L'intersection présentée comporte quatre branches. La seule particularité vient du fait que deux branches côte à côte comportent un stop. Cela implique que les deux autres branches forment l'axe qui a la priorité. La voiture blanche et la voiture bleue sont à un stop et doivent donc céder le passage à la voiture rouge. Comme la voiture rouge va tout droit, la voiture bleue peut démarrer dès que son conducteur est sûr que la voiture rouge ne va pas tourner. Maintenant, regardons comment s'organise l'ordre de passage. La voiture rouge avance, la voiture bleue démarre dès que la voiture rouge est suffisamment engagée, la voiture blanche partira la dernière de toute manière.